Intermède premier. Miss Garth à Mr. Pendrill, Westmoreland House, le 3 janvier 1848. Cher Monsieur Pendrill, je vous écris, selon votre affectueuse recommandation, pour vous renseigner sur l'état de Nora et vous faire part des améliorations que je constate dans sa situation d'esprit par rapport à sa sœur. Je ne saurais dire qu'elle se résigne au silence prolongé de Magdalene. Je connais trop bien sa fidèle nature pour me permettre une telle assertion. Je me bornerai donc à vous faire savoir que son lourd fardeau de chagrin et d'anxiété commence à trouver quelque allégement dans de nouvelles pensées et de nouvelles espérances. Je ne suis pas bien certaine qu'elle s'en aperçoive encore, mais j'entrevois ce résultat dont elle-même n'a pas conscience. Je vois son cœur s'ouvrir aux consolations que peuvent lui donner un intérêt, une affection dont sa sœur n'est plus l'objet. Elle ne m'a pas dit un mot là-dessus, et je me suis bien gardé de lui en ouvrir la bouche. Mais aussi vrai que les visites de Mr. George Bartram à la famille de Portland Place sont devenues récemment de plus en plus fréquentes, aussi certainement vous puis-je assurer que Nora trouve à ses incertitudes un remède qui n'est pas de ma façon et conçoit pour l'avenir des espérances que je ne saurais me vanter de lui avoir enseignées. Je n'ai pas besoin d'ajouter que je vous dis ceci sous le sceau du plus grand secret. Dieu seul peut savoir si l'heureuse perspective dont j'entrevois le début doit devenir ou non plus brillante avec le progrès du temps. Plus je vois Mr. George Bartram, et il m'a fait dans ces derniers temps maintes visites, plus je sens augmenter mon goût pour lui. Dans mon humble jugement, je lui trouve toujours les qualités du gentleman, et ceci en donnant à ce mot son sens le plus élevé, qui est aussi le plus vrai. Si je vis assez pour voir Nora devenir sa femme, il me semble que je n'aurai rien à regretter ici-bas. Mais comment se flatter de prévoir l'avenir, et nous avons tant souffert que vraiment je n'ose espérer. Avez-vous entendu parler de Magdalene? Je ne sais ni pourquoi ni comment, mais depuis que j'ai appris la mort de son mari, mon ancienne affection pour elle semble me revenir plus obstinée que jamais. Votre fidèlement dévoué, Harriet Garth. Intermède deuxième, Mr. Pendrill à Miss Garth. Scarl Street, le 4 janvier 1848. Ma chère Miss Garth, je n'ai eu aucune nouvelle directe de Mrs. Noel Vanstone, mais depuis que je ne vous ai vue, j'ai appris qu'il fallait regarder comme fondés les bruits qui couraient sur la position qui lui a été faite par le décès de son mari. Elle n'a été l'objet d'aucun legs. Le testament ne mentionne même pas son nom. Il n'y a pas à se dissimuler, sachant ce que nous savons, qu'une pareille circonstance nous menace d'embarras nouveaux et peut-être de nouveaux chagrins. Mrs. Noel Vanstone n'est pas femme à subir sans une résistance désespérée le bouleversement total de ses espérances. Ce simple fait qu'on n'a pas entendu parler d'elle, en aucune façon, depuis la mort de son mari, me suggère, quant à moi, les plus sérieuses appréhensions. Dans la situation où elle se trouve, avec le caractère qu'on lui connaît, plus elle se tient tranquille pour le moment, et plus, à mon sens du moins, on doit se méfier de ce qu'elle fera dans l'avenir. On ne saurait dire à quelle violente démarche l'entraîneront probablement les extrémités où elle est réduite. Il est impossible de ne pas craindre qu'elle devienne la cause de quelque scandale public qui, cette fois, rejaillirait sur sa sœur innocente en même temps qu'il la compromettrait elle-même. Je suis certain que vous ne méconnaîtrez pas le motif qui me fait vous écrire ces lignes. Vous ne me croirez pas assez peu réfléchi pour vous causer une alarme inutile. Le vif désir que j'ai de voir se réaliser l'heureuse perspective à laquelle votre lettre fait allusion m'a conduit à m'expliquer vis-à-vis de vous avec moins de réserve que je n'en aurais montré en toute autre circonstance. J'insiste fortement pour que vous usiez de toute votre influence, chaque fois qu'elle pourra être loyalement employée, afin de fortifier ces liens naissants et de les soustraire, autant qu'il vous sera possible, à l'atteinte des malheurs futurs. Si je vous dis que la fortune dont Mrs. Vanstone a été dépouillée se trouve comprise tout entière dans le legs fait à l'amiral Bartram, et si j'ajoute que George Bartram passe généralement pour être l'héritier présomptif de son oncle, vous reconnaîtrez, j'imagine, que j'ai toute raison de vous prévenir comme je le fais. Bien à vous, en toute sincérité, William Pendrill. Intermède troisième. L'amiral Bartram à Mrs. Drake, femme de charge à Sainte-Croix, Sainte-Croix, le 10 janvier 1818. Mrs. Drake. J'ai reçu votre lettre de Londres où vous me dites avoir trouvé pour moi une nouvelle femme de salon et où vous m'annoncez que cette personne est sur le point de vous accompagner à Sainte-Croix lorsque les autres affaires que vous avez en ville vous permettront de nous revenir. Ces arrangements doivent être modifiés sans retard, et cela pour un motif que je déplore d'avoir à mentionner. La maladie de ma nièce, Mrs. Girdlestone, maladie qui n'inquiétait aucun de nous, les médecins y compris, s'est terminée d'une manière fatale. J'ai reçu ce matin même la triste nouvelle de sa mort. On dit son mari à moitié fou de chagrin. Mr. George est déjà parti pour chez son beau-frère afin d'y surveiller l'accomplissement des derniers devoirs, et je l'y suivrai avant que les funérailles aient lieu. Nous nous proposons d'emmener ensuite Mr. Girdlestone et d'essayer l'effet que pourront avoir sur lui les distractions forcées d'un voyage. Dans ces tristes circonstances, je serai sans doute hors de Sainte-Croix pendant un mois ou 6 semaines, pour le moins. L'établissement sera fermé. Par conséquent, jusqu'à mon retour, nous n'aurons pas besoin de la domestique nouvellement arrêtée. Vous direz donc à cette fille, sitôt ma lettre reçue, qu'une mort survenue dans la famille a provisoirement changé nos combinaisons. Si elle consent à attendre, vous pouvez en toute sûreté l'engager de façon à ce qu'elle arrive ici dans 6 semaines. Je serai de retour alors, en supposant même que Mr. George ne soit pas encore disponible. Si elle refuse, payez-lui l'indemnité qui lui est due et ne songez plus à elle. Très vôtre, Arthur Bartram. Intermède 4e, Mrs. Drake à l'amiral Bartram, le 11 janvier. Monsieur est très honoré maître. J'espère avoir terminé demain toutes mes affaires et m'en retourner à Sainte-Croix. J'écris cependant, en cas de retard imprévu, afin de vous ôter toute inquiétude. La jeune femme engagée par moi, elle se nomme Louisa, veut bien attendre selon vos désirs, et sa maîtresse actuelle, qui lui porte un vif intérêt, se charge de pourvoir dans l'intervalle à tous ses besoins. Il est entendu qu'elle entrera dans sa nouvelle condition au bout de 6 semaines, lesquelles partent d'aujourd'hui, ou, pour mieux préciser, le 25 février prochain. Veuillez agréer l'expression de ma respectueuse sympathie pour le triste événement qui vient de vous enlever un des membres de votre famille. Veuillez aussi me croire, monsieur est très honoré, votre toute dévouée, Sophia Drake.